Okay, thank you. Go on. De la vida mía. Siente la vida. Siente la vida. Mal exposé, mais c'est là. Mon ego mal place. Quand mon ego oublie le CD, oublie le tapis. emporté par le vent. Par les vents mauvais. Attendre, ne plus espérer, ne plus se laisser distraire, être capable de plus se laisser désarçonner par l'épais brouillard. Thank you. shine, yeah, yeah. De chanteur, c'est très collectif. Ne peuvent donner loi.